الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Serviteurs d'Allah, sachez que notre Seigneur subhanahu wa ta'ala a créé le fils d'Adam manquant. Il est toujours à même de faire des erreurs ou d'avoir des manquements dans ses obligations vis-à-vis de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il a multiplié la valeur des bonnes actions et qu'il n'a pas multiplié la valeur des péchés. Allah Ta'ala dit dans le sens des versets, celui qui vient avec une bonne action, il en aura 10 pareilles. Et celui qui vient avec une mauvaise action, il ne sera récompensé que par une mauvaise action comme elle, et personne ne sera opprimé. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détaillé cela dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu wa an abi, dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah a inscrit les bonnes et les mauvaises actions. Celui qui pense à faire une bonne action et qui ne la fait pas, Allah lui inscrit une bonne action complète. Celui qui pense à faire une bonne action, puis qu'il l'accomplit, Allah lui inscrit 10 bonnes actions, il multiplie jusqu'à 700 ou adhafin kathira, et encore beaucoup plus que cela. Celui qui pense à faire une mauvaise action et qui ne la fait pas, Allah lui inscrit une bonne action complète. Et celui qui pense à faire une mauvaise action et qui l'accomplit, Allah ne lui inscrit par cela qu'une seule mauvaise action. Regardez la miséricorde de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Comment après cela, on peut encore prendre le mauvais chemin et ne pas avoir assez de hasanat le jour du jugement dernier? Donc Allah tabaraka wa ta'ala a légiféré et a établi plusieurs chemins, plusieurs moyens légiférés pour faire des bonnes actions. Comme aussi, il a facilité plusieurs sortes d'actions différentes. Il y en a qui peut être fort dans la prière, un autre dans la science, un autre dans le service des musulmans, un autre dans le jeûne, un autre, etc. Et tout cela, il l'a fait pourquoi? Pour nous faciliter chacun d'avoir le plus de bonnes actions possibles. De même que Allah Ta'ala nous veut tellement le bien qu'il nous a fermé les portes du mal et les moyens et les intermédiaires qui nous mènent aux interdits et aux choses illicites. Donc, c'est pour ça qu'il a interdit tout ce qui était mauvais, tout ce qui pouvait nous mener à notre perte, tout ce qui pouvait nous faire du mal dans notre religion, ou dans notre raison, ou dans notre santé, ou dans notre corps. Et il a même interdit les moyens menant à ces interdits-là, à ces choses illicites et à ces choses mauvaises. Tout ça par miséricorde et par générosité envers nous, subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala, comme il a été rapporté dans le hadith, rapporté par l'imam muslim, de Anas radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah sont satisfaits de son serviteur quand il mange une bouchée et qu'il le remercie pour cela, et quand il boit une gorgée et qu'il le remercie pour cela. Subhanallah. Tu manges et tu bois, tu remercies Allah, Allah il est satisfait de toi. Alors que la satisfaction d'Allah, c'est la plus grande chose que l'on cherche dans notre vie. Juste avec cet acte simple de remercier Allah, de reconnaître que c'est lui ton donateur, celui qui t'a permis, qui t'a donné, Allah est satisfait de toi. Donc c'est pour ça qu'aussi, Allah tabaraka wa ta'ala a légiféré le repentir. Sachant que l'être humain est faible et manquant. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a clairement dit que si vous ne faisiez pas de péché, Allah vous aurait emmené de cette terre pour amener d'autres gens qui font des péchés et qui demandent pardon à Allah, et Allah leur pardonnerait. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala a su que l'être humain est manquant, qu'il fait des péchés. Et il a fait pour lui une manière de se rattraper et de gagner des hauts degrés après avoir été tombé dans les péchés, c'est quoi? C'est le repentir. Le repentir, le retour à Allah. Le repentir, c'est le fait de retourner à Allah sincèrement, avec regret du fait d'avoir désobéi à Allah dans une obligation ou bien d'avoir fait un interdit. C'est ça le repentir. Allah tabaraka wa ta'ala, en parlant du bienfait du repentir, dit: et repentez-vous tous à Allah, ô vous les croyants, afin que vous récoltiez le succès. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'en a pas commis. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô vous les gens, repentez-vous à Allah et demandez-lui pardon, car moi-même je me repens à Allah chaque jour 100 fois. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, celui à qui Allah a pardonné ses péchés passés et futurs, il se repent à Allah plus de 100 fois par jour. Il a été dénombré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une seule assise, il a dit 70 fois « Mon Seigneur, pardonne-moi et fais miséricorde ». Dans une seule assise, 70 fois il a dit ça. « Fi jalsatin wahida » sallallahu alayhi wa sallam. Le repentir, il a une très grande valeur auprès d'Allah. Quelqu'un, après un repentir, il peut atteindre des degrés plus hauts qu'avant même d'avoir commis le péché. Si ce repentir, il est vraiment fait dans les règles et sincèrement. D'ailleurs, le repentir fait partie des caractéristiques et des qualités des prophètes et des croyants. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens des versets dans surat Tawbah: certes Allah a accueilli le repentir du prophète, celui des émigrés et des auxiliaires qui l'ont suivi au moment difficile. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala, en parlant de Moussa alayhi salat wa salam, dans surat Al-A'raf, Allah ta'ala dit dans le sens des versets, قَالَ, en parlant de Moussa, il a dit: gloire et pureté à toi, je me repens à toi et je suis le premier des croyants. En parlant de Daoud alayhi salat wa salam, Allah tabaraka wa ta'ala a dit: et rappelle-toi de notre serviteur Daoud, celui qui avait la force, dhul aid, innahu awwab, car il était repentant, il revenait tout le temps à Allah tabaraka wa ta'ala. Et en parlant des qualités des croyants, Allah tabaraka wa ta'ala a cité en premier le repentir. Il a dit: at-ta'ibun, العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون etc. Il a dit: ils sont ceux qui se repentent, qui adorent, qui louent, qui parcourent la terre ou qui jeûnent, qui s'inclinent, qui se prosternent, qui commandent le convenable, qui interdisent le blâmable, et qui observent les lois d'Allah et fait bonne annonce aux croyants. Ça aussi dans surat Tawbah, dans le sens des versets. La première caractéristique, la première qualité avec laquelle Allah cite les croyants, التوبة, التائبون. De même que le repentir, c'est la cause de repousser le châtiment qui pouvait nous atteindre. Le peuple de Yunus, alayhi salat wa salam, quand ils ont mécru, ils ont refusé son message, et que Yunus est parti et qu'il a été avalé par la baleine, alayhi salam, alors le châtiment était sur le point de les atteindre. Puis ils se sont repentis à Allah et ils ont cru en Allah. Allah a éloigné d'eux le châtiment. De même que celui qui cherche le bonheur, celui qui cherche la paix, celui qui cherche à réussir en ce monde et dans l'au-delà, sachez que ce n'est pas possible tant qu'on ne se repent pas de tous nos péchés. Toi qui te sens malheureux, qui te sens serré dans ta vie, souvent et la plupart du temps, c'est à cause de tes péchés, car tu ne t'es pas repenti de tes péchés. C'est les effets des péchés. D'ailleurs, Allah Ta'ala a dit: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Il n'y a pas un malheur qui vous touche sans que ce ne soit à cause de ce que vos propres mains ont acquis. Et Allah pardonne encore beaucoup de choses. Allah Ta'ala a dit dans Surat Hud, dans le sens des versets: et demandez pardon à votre Seigneur, ensuite revenez à lui, il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé, c'est-à-dire dans ce monde, et il accordera à chaque méritant de l'honneur ce qu'il mérite. Mais si vous tournez le dos, je crains alors pour vous le châtiment d'un grand jour. Allah tabaraka wa ta'ala dit aussi, et repentez-vous tous à Allah, ô vous les croyants, certainement vous récolterez le succès. Donc là, pour récolter le succès, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se repentir à Allah tabaraka wa ta'ala. Le repentir est une cause aussi d'effacer les fautes. Quand tu fais un mal à une créature, même s'il te pardonne, dans sa mémoire, il n'a pas oublié ce mal que tu lui as fait. Et un jour ou l'autre, il va avoir encore une altercation avec toi, et il va te ressortir la liste. Tel jour tu m'as fait telle chose, tel jour tu m'as dit telle chose. Quand Allah accepte ton repentir, c'est oublié. Cette chose, c'est comme si tu ne l'avais pas faite. Allah l'efface complètement. Subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets, « Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Certainement, votre Seigneur vous effacera vos fautes et il vous fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. » Dans Surat al-Tahrim, verset 8, dans le sens des versets. Et le hadith qu'on a lu tout à l'heure, qu'on a cité tout à l'heure, le hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le hadith d'Ibn Mas'ud, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui se repent d'un péché, il est comme celui qui ne l'a pas accompli. Celui qui se repent d'un péché, il est comme celui qui ne l'a pas accompli. Allah tabaraka wa ta'ala, par sa grâce et sa générosité, ne s'est pas suffi seulement de pardonner les péchés et d'effacer complètement ce péché pour celui qui se repent. Mais Allah a la générosité immense, il transforme ses péchés en bonnes actions. Il transforme ses péchés en bonnes actions. Comment après cela, on peut avoir quand on peut être orgueilleux envers notre Seigneur? Comment après cela, on peut avoir cette jura, se permettre de désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala après tous les bienfaits avec lesquels il nous comble? Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets dans Surat al-Furqan, en parlant des croyants, il dit ceux qui n'invoquent pas d'autres dieux avec Allah et qui ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée sauf à bon droit, qui ne commettent pas la fornication, car quiconque fait cela encourra une punition et le châtiment lui sera doublé. Le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection et il demeurera éternellement couvert d'ignominie. Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre, cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes et certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Il suffit, pour connaître la valeur du repentir, de savoir que notre Seigneur est encore se réjouit du repentir de son serviteur plus qu'une personne qui a perdu sa monture au milieu du désert sur laquelle il y avait son eau et sa nourriture. Il a désespéré de la retrouver, il a désespéré de la vie, il s'est mis sous un arbre attendant la mort et voilà qu'en ouvrant les yeux, il voit sa monture debout devant lui, il dit « Ya Allah, je suis ton Seigneur et tu es mon serviteur ». Il s'est trompé tellement il était heureux. Allah, il est encore plus heureux du retour de son serviteur vers lui que cet homme du retour de sa monture. Pourtant, Allah se passe de l'univers. Allah n'a pas besoin ni de ton repentir, ni de mon repentir, ni de la croyance, ni de l'adoration de quiconque sur terre. Subhanahu wa ta'ala, il se suffit à lui-même. D'ailleurs, dans le hadith de Abi Idris al-Khawalani, qui est long, il est cité, si les premiers et les derniers, si vos premiers et vos derniers, vos hommes et vos djinns, avaient le cœur le plus pieux parmi les hommes d'entre vous, cela ne rajouterait rien à la royauté d'Allah. Rien. Si les premiers et les derniers, les hommes et les djinns avaient les cœurs le plus impie, du plus pervers et impie parmi nous, cela ne diminuerait rien à la royauté et à la richesse d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Pour finir, il faut savoir que le repentir, pour qu'il soit accepté, il a des conditions. Sans ces conditions, il n'est pas considéré comme un repentir. Premièrement, c'est que la personne cesse sur le champ la désobéissance qu'il est en train de faire. Deuxièmement, c'est qu'il doit regretter profondément s'être permis d'avoir osé désobéir à son Créateur, subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, c'est qu'il mette l'intention ferme de ne plus jamais retourner à ce péché. Si ces trois conditions ne sont pas réunies, le repentir ne peut pas être accepté. Comprenez bien, cela ne veut pas dire qu'une personne, après avoir effectué un repentir, c'est impossible qu'il retombe dans le même péché. Il est possible qu'au moment du repentir, toutes ces conditions soient réunies auprès de lui. Il se repent sincèrement vers Allah, avec les conditions requises. Mais après, il faiblit, et le shaitan lui tend un piège, et il retombe dedans encore une fois. Alors cette personne devra se relever et se repentir encore une fois. Et encore une fois, et encore une fois, et il continuera comme ça jusqu'à qu'il rencontre son Seigneur. Mais au moment du repentir, il faut que ces conditions soient réunies. C'est-à-dire qu'il délaisse le péché, qu'il mette l'intention de ne plus jamais l'accomplir et de regretter profondément dans son cœur. Le pilier le plus important, c'est le regret. Quand la personne, elle regrette vraiment profondément d'avoir désobéi à Allah, c'est ça qui va l'aider à délaisser, à ne plus retourner à ce péché. Mais si pour lui, c'était pas grave, c'est rien, j'ai désobéi, il y en a qui désobéissent plus. Il se compare aux mécréants ou il se compare aux pécheurs. Il se compare pas aux meilleurs croyants. Compare-toi aux meilleurs. Ne te compare pas aux plus faibles. Voilà les trois conditions quand le péché est entre le serviteur et son Seigneur. Par contre, si le péché, il est lié au droit d'un être humain qui est lésé, alors il y a une quatrième condition à rajouter dans ce repentir. Quelle est cette quatrième condition? C'est de réparer son erreur. De réparer son injustice envers cet être humain. Qu'il soit musulman ou non, si on a fait une injustice avec quelqu'un, on doit la réparer pour qu'Allah accepte notre repentir. Donc si c'est de l'argent ou des biens, cela doit lui être restitué. Si c'est une calomnie ou une insulte ou je ne sais quoi, on doit lui demander pardon ou bien se faire réparer cette injustice. On peut rajouter à ces deux conditions, deux dernières conditions qui sont importantes, qui sont la sincérité. Par exemple, si quelqu'un est dans un pays musulman ou bien dans une ambiance islamique, peut-être qu'il peut montrer le repentir, il fait le repentir, mais au fond de lui, il ne le fait pas pour Allah. Il le fait pour être accepté auprès des siens. Ça, ce ne sera pas un repentir accepté auprès d'Allah. Et deuxième condition, c'est que le repentir soit fait ou soit effectué à un moment où le repentir est encore acceptable. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah accepte le repentir du serviteur tant qu'il n'est pas dans les affres de la mort. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui se repent avant que le soleil ne se lève de son coucher, Allah accepte son repentir. Donc, mes frères et mes sœurs, serviteurs d'Allah, n'attendons pas le dernier moment pour se repentir. Car au dernier moment, comme on a vu, il sera trop tard. Au moment des affres de la mort, il est trop tard. Personne n'a la garantie de vivre encore jusqu'à demain. Alors revenons à notre Seigneur. Repentons-nous à notre Seigneur. Ayons honte de désobéir à celui qui nous a donné tous ses bienfaits. Et nous serons parmi les honorés. Celui qui reconnaît son erreur et qui revient sur son erreur, il a une valeur, il est honorable auprès d'Allah tabaraka ta'ala. Mais celui qui reste constant dans son erreur, qui ne veut pas reconnaître son erreur et qui continue, alors la mort viendra le chercher et il sera trop tard. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا جميعا ويوفقنا لما يحب ويرضاه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب